إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous poursuivons dans ces نقاط, dans ces points que le Cheikh a cités, dont résulte cette da'wa, cet appel à l'unité des religions et le rapprochement entre elles, et ce qui équivaut à dire que les gens du livre ne sont pas des mécréants. فقال في المفسدة الحادية العشر لا onzième méfait. ولزم من هذا القول إلى شعيرة دعوة الكفار إلى الله مع أنها من شعائر العظيمة. Donc ce méfait là, parmi ces méfaits, c'est que cela implique qu'il n'y ait, cela annule le fait d'appeler ces gens-là vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que cela, c'est parmi les emblèmes les plus immenses de la religion. Et quel besoin aurais-tu d'appeler un juif ou un chrétien à Allah, vu que tu le considères comme étant un croyant dans ta prétention de vouloir unifier les religions? D'accord? Donc tu n'as pas besoin d'appeler Allah, parce qu'il sera sur la vérité d'après toi. Donc cela amène à cela. Wa qala ta'ala, ud'u li sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et débat avec eux de la meilleure des façons, car ton Seigneur est plus savant de qui est égaré de ce sentier, et le plus savant des bien guidés. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين. Et qui est de meilleure parole que celui qui appelle à Allah et qui œuvre dans le bien et qui dit je suis du nombre des musulmans. Donc cela, d'accord, annule ce point important de la religion qui est la da'wa. Car cette da'wa, selon les gens qui pensent comme cela, elle sera limitée qu'aux idolâtres purs, apparents comme les bouddhistes, à ce qu'ils ressemblent. Mais ils verront que il n'a pas besoin d'appeler un musulman, un chrétien ou un juif à Allah. Car le chrétien te dira, pourquoi tu m'appelles à Allah? Je suis un croyant comme toi, je suis ton frère. Donc je suis sur la vérité moi aussi. Je n'ai pas besoin de ton prêche. ثم قال في النقطة الثانية عشر, douzième méfait. قال ويلزم من هذا القول تعطيل منهج الجرح الباطل والتعديل الحق. Cela mène à quoi? À annuler justement le fait de critiquer les gens du faux et de faire l'éloge des gens de la vérité. Car le jarh, le fait de blesser, on va dire blesser, le fait de critiquer les gens du faux, cela est un jihad, fi sabilillah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jahidu al-mushrikin bi-amwalihim, bi-amwalikum wa anfusikum wa al-sinatikum. Vous devez combattre les mushrikin avec vos biens, ainsi que vos personnes, ainsi que vos langues. Donc cela amène à quoi? À ne pas pouvoir les critiquer. Car si jamais tu le critiques, il te dira pourquoi tu me critiques alors que je suis un croyant, tu me dis que je suis un croyant, je suis ton frère. Donc pourquoi me critiques-tu? Et pareil pour le juif. Donc cela amène à cela. D'accord? Thumma qala fi an-nuqta al-thalithata, 13e. Fi tan fi sahaba radiyallahu anhum wa at-tabi'in rahimahumullah. Cela amène à diffamer les compagnons radiyallahu anhum ainsi que leurs suiveurs rahimahumullah. Cela amène à faire un temps dans la confiance en leur portée et dans leur justesse. Du fait que ces gens-là n'ont pas fait d'alliance avec les juifs et les chrétiens comme le font ces gens qui appellent à cela. Mais ils ont combattu. Ils les ont combattus. Ils les ont combattus et même Omar avait suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'exécuter les prisonniers de Khaybar qui étaient des juifs. Et les sahaba, après avoir combattu les juifs et les chrétiens, ou plutôt avec les juifs principalement, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rendu leurs biens licites, et ils ont pris leurs femmes, et ils les ont pris, c'est-à-dire ceux qui étaient restés vivants, comme esclaves. Donc cela voudrait dire que ceux qui appellent à la religion, ou à l'étude des religions, diront que les sahaba ont été injustes, et qu'ils ne sont pas comportés avec leurs frères, comme ils le prétendent, avec justice. Donc, c'est soit les sahaba ont raison, et eux, ils ont tort aujourd'hui, ou alors eux, ils ont raison aujourd'hui, et les sahaba ont tort auparavant. On peut pas lire entre les deux, car la religion ne change pas. D'accord. Et les sahaba ont fait payer la jizya aux gens du livre. qui étaient sous leur autorité. Et cela est connu. ثم قال الرابع عشر 14e فيه تكريم العصاة والملحدين وإقصاء المستقيمين. Cela amène à quoi? À honorer les désobéissants ainsi que les mécréants et à devenir on va dire sévère envers les gens droits. Pourquoi? Parce que les gens qui sont droits sur leur religion savent le jugement qui s'applique sur les gens du livre. Donc toi, en disant que le Kitabi est ton frère et que tu dois te rapprocher de lui, tu vas forcément te mettre en opposition face à celui qui appelle au contraire. Et qui est-ce qui appelle au contraire? Les gens de la Sunna. Donc tu vas te rapprocher des mécréants et tu vas t'éloigner de tes frères. Et c'est ce qu'on voit. Ça, c'est une chose qu'on constate. Les gens qui appellent à cette darwa-là n'aiment pas les gens de la Sunna, clairement. Et les voient comme étant des extrémistes, intégristes, voire même terroristes, injustement. D'accord? Ça, c'est une chose qui amène à cela. Une division entre les musulmans. Bien que celui qui considère le chrétien comme son frère n'est pas un musulman. Mais je parle pour ceux, par exemple, qui seraient des suiveurs ignorants, qui n'auraient pas compris encore la chose. Ça amène à une division dans les rangs. قال le 15 في التان في رسول الله صلى الله عليه وسلم او بل في رسول الله 15e c'est que cela amène à une diffamation envers les messagers tous car tous ces messagers ont été envoyés pour appeler à adorer Allah seul. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا adorer Allah seul et ne lui associez rien, chose que ne font pas les gens du livre. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous de ta route. Donc, eux appellent à se rapprocher des mouchriquins. Les chrétiens, comme vous le savez, dans Nasara, Ya'budun Isa wa Ummahu wa ghayr dhalika. Kadhalik, les Yahoud ont tué beaucoup de Anbiya. Comme Allah Ta'ala, Il y a un groupe d'entre eux que vous démontez et un groupe d'entre eux que vous tuez. Vous avez tué, c'est-à-dire parmi les prophètes. Donc, cela amène à cautionner et à prouver le mal sur lequel ils sont. Donc, c'est une diffamation envers les messagers qui ont été envoyés auparavant. Quand Allah est salis hachar, fi rida bitan fi lai, subhanahu wa ta'ala. Et cela amène également à accepter que Allah soit diffamé. Cet appel amène à cela. لأن الله تعالى قال عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Donc les juifs, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les mains d'Allah sont fermées. Donc leurs mains par la suite ont été fermées, ils ont été maudits pour ce qu'ils ont dit. Surat al-Ma'ida. وقال كذلك. Qu'est-ce qu'ils ont dit les juifs? كما قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Que Allah il dit dans le sens que nous avons entendu la parole de ceux qui disent que Allah est pauvre et nous sommes riches. C'était les juifs qui disaient cela. Les chrétiens disent quoi dans leur livre, ou même les gens du livre, dans leur Bible actuellement, ils disent que Allah Azzawajal a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Qu'il a la fatigue. Et ils y croient. Et d'ailleurs, le dimanche, chez les chrétiens, c'est le jour saint, le jour du chômage, le jour du repos, se basant sur ce fait-là. Ils prétendent que Allah a un fils, comme vous le savez. Ils prétendent que Allah a un fils. Donc cela amène à cautionner cela. Si tu dis que le chrétien est ton frère, tu vas agréer ses paroles. Tu ne pourras le blâmer, car elle dira, moi, c'est ma religion, c'est ma croyance, je suis un croyant comme toi, donc tu ne peux me blâmer dans ce que je dis. Et ça, vous le savez. Et on a déjà cité les paroles au début, les hadiths qui montrent la fausseté de cette parole-là. Et que cela est de la pure mécréance. Wa ja'a fi sahih al-Imam Bukhari, al-Ibn Abbas, anna an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala kadhabani ibn Adam wa lam yakun lahu dhalika wa shatamani wa lam yakun lahu dhalika. Fama takdhibu iyaya fazama anni la aqdiru an u'ida kama kan. وما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. Dans un hadith Qudsi, qu'Allah Azza wa Jal, il a dit que le fils d'Adam m'a démenti et cela ne revient pas. Et qu'il m'a offensé et cela ne revient pas. Son démenti, c'est qu'il a prétendu que je ne suis pas capable de lui redonner la vie après l'avoir fait mourir, c'est-à-dire ce qu'on appelle la résurrection. Et son offense envers moi, son outrage envers moi, son affront envers moi, c'est qu'il a dit que j'ai un fils. Et que je sois glorifié, comme il le dit, purifié, je ne prends ni fils ni compagne. Donc, en disant que le chrétien est ton frère, ça amène à ce que tu confirmes cette parole-là de lui. Sans quoi, si tu la confirmes pas, c'est de la méconnaissance de sa part, tu es obligé d'appliquer les jugements qui s'y rapportent. Et là, j'aimerais remettre en évidence une contradiction de ce Ahmed Tayyib qui a reçu le pape. Ce Ahmed Tayyib, c'est un soufi à l'aql, au minimum. Maturidi Ash'ari. Les Ash'arira, ils refusent d'affirmer les attributs d'Allah, c'est pendant temps-là, à part 7. Et encore, ces 7-là qu'ils ont attribués, ils ont fait une interprétation. Pour eux, dire que Allah a une main, c'est faire ressembler Allah à la création sur la de la mécréance. Dire que Allah a deux yeux, également. Dire que Allah a deux pieds, également. Dire que Allah descend, également. Tout cela, il le renie. Ils disent que cela est de la mécréance. Car pour le tawhid, c'est unifier Allah et faire en sorte qu'il n'y a rien qui soit comme lui réellement. Mais eux, ils ont pris l'opposé, qu'ils ont refusé d'affirmer ce que Allah a affirmé de lui-même, qui sont ses attributs. Car pour attribuer l'attribut, on vient à le mettre comme celui de la créature. Chose qui n'est pas vraie. Donc on leur dit, justement, vous avez accueilli le pape et dit qu'il est votre frère, alors que le pape attribue à Allah un fils. Que ces gens-là ont même dans leur cathédrale, comme on le voit dans la cathédrale Sixtine, la chapelle Sixtine par exemple, ou dans l'autre de leurs églises, ils ont dessiné Dieu. Ils le représentaient comme un homme barbu, avec les parties intimes makshoufa, les cuisses découvertes, le torse découvert, et des petits-enfants autour de lui, avec une barbe, et en colère. Ou qui touche le doigt de Adam, dans la fameuse fresque, représentant la création de l'homme, où on voit, comme ils l'ont présenté, Dieu, qui touche le doigt de Adam. Ou une autre, lorsque tu vois Dieu qui est au-dessus du ciel, ou plutôt au-dessus de Adam, dans le ciel, qui le opprimante pour avoir mangé la pomme, comme cela est dans leur livre. Tu vois Dieu en colère, pas content, avec son doigt qui l'indique du doigt comme ça. Et après, si demain un musulman dit qu'Allah il a une main, il dit soit tu es un mécréant. C'est pas une chose qui est totalement incohérente, cela, d'agir de la sorte. La ilaha illallah. Taïb. Et le pire, j'ajoute que Michel-Ange, qui a fait ces fresques-là, était un homosexuel. C'est-à-dire que les gens du livre, les catholiques, l'ont pris pour décorer leur lieu d'adoration, et c'est un homosexuel. Homosexuel, anthropomorphiste, et qui lui-même dessinait faisait des peintures avec Zeus et je ne sais qui, en couple pédéraste, comme ils le disent, c'est-à-dire homosexuel. Et il disait Platon, c'est-à-dire cet homme-là, c'était vraiment un incrédule pur. Je ne sais même pas si se prétendait catholique lui-même. Allahu ta'ala alam. Malgré cela, ils l'ont payé pour qu'il décore leur lieu d'adoration, qui sont leurs églises, leurs cathédrales, leurs chapelles. Voilà mon star. Jusqu'à aujourd'hui, sont devenus des lieux de visite, des lieux touristiques. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des chefs-d'œuvre, des monuments historiques qui représentent leur religion, comme ils le disent. Donc cet homme-là, après, le pape, qui vit là-bas, qui confirme cela, lui et sa lignée de ceux qui étaient avant lui, sont accueillis comme étant des frères. D'accord ? On fait un pacte avec eux et le sunni salafi, on l'insulte, on le rend mécréant, on le dénigre, wallah musta'an. Qala sabi achar, 17e point. Qala fi irida bi ta'am fi jibril wal malaika. Cela amène à agréer que Jibril soit diffamé ainsi que les anges. Pourquoi ? Car les Yahoud ont dit de Jibril qu'il est leur ennemi. Comme cela fait apparaître dans un hadith. Quand le Nabi s'en fait interroger par les Juifs, ils lui disent qui est ton allié ? Il a dit c'est Jibril. Et il dit qu'il n'y a pas un prophète qui soit venu avant moi, c'est que Jibril ne fut son allié. Il dit Jibril c'est notre ennemi. Il n'est venu qu'avec le combat et avec les guerres. Lihada, anzal Allah ta'ala, kul man kana aduwan li Jibril, fa innahu nazzalu ala qalbika bi'idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikael, fa inna Allah aduwan lil kafirin. Donc après Allah a fait descendre le verset dans le sens où il dit celui qui est ennemi à Jibril, c'est lui qui a fait descendre sur ton cœur avec la permission d'Allah le livre confirmant ce qu'ils avaient eux et en comme étant une bonne annonce pour les croyants. Et celui qui est ennemi à Allah ainsi que ses anges, ainsi que ses messagers, c'est-à-dire ses anges, Jibril et Mikaël, que certes Allah est un ennemi envers les mécréants. Donc Allah les juge comme étant mécréants une fois de plus dans son livre. Et eux, ils disent non, ce sont nos frères. Également, ils représentent les anges, comme vous le savez. Ils représentent plein de... Je sais même, par exemple, moi, je sais que je l'ai vu souvent quand j'étais petit, en Martinique, chez ma famille. On voit l'ange Gabriel, comme il l'appelle, avec à la forme des Grecs, genre comme une petite jupette, les cuisses à l'air, avec une épée et des anges de cygne. Des ailes de cygne, enfin. Avec un visage de un berbe, un marat, comme on dit. Comme le représentent ces gens-là, les homosexuels. Ils ont représenté Jibril de la sorte. Wal'a'adhu billah. Ou ils font les petits chérubins, comme vous le savez, les petits anges tout nus, avec les parties génitales découvertes, des petits anges avec avec l'arc et la flèche. Voilà ces gens, ce qu'ils ont comme croyance. Si ce n'est pas tous, une bonne partie d'entre eux sont pour croyance, et au minimum, ils ne blâment pas cela. Au minimum, ils ne blâment pas. Quand Allah s'amène à Acha, fihi, arida bil kutub al muharrafat tafsilan. Et cela amène à agréer leurs livres qui ont été altérés et modifiés. Car tu ne pourras pas dire que ton livre il est faux, car il dira non, mon livre, c'est celui sur lequel je me base, sur lequel j'ai ma croyance, et je suis ton frère, comme tu le dis toi-même. Donc tu ne pourras pas le blâmer. Et ces livres-là contiennent des diffamations et des mensonges énormes, et des insultes envers les prophètes. Certains prophètes ont été accusés d'alcoolisme, comme Nour, alayhi salam. D'autres, comme ce fut le cas de Lot, d'avoir eu des rapports avec l'enfant, avec ses filles. Que ces filles, dans la Bible, c'est écrit qu'elles l'ont enivré et après ont eu des rapports avec lui pour pouvoir préserver leur généalogie. Que Daoud, alayhi salam, a fait zina avec des femmes de ses fidèles, ou plutôt de ses soldats. Et je ne sais quoi. Vous le savez, ça. Ou qu'il y a eu le mensonge, que les prophètes mentent, que les prophètes trichent, et ainsi de suite. Donc cela amène à agréer cela. Voilà, Moustahan. Non. Aussi, قالت 19e في تعطيل احكام جنائز الكافرين والحاقهم بالمسلمين. Cela amène à annuler les règles funéraires. Cela va te rendre permis de faire la salat sur un chrétien ou un juif qui soit mort, ou alors le permettre que lui fasse la salat sur un musulman qui soit mort. Il y a un peu de différenciation car ils sont des croyants comme nous. Donc à ce moment-là, tu ne pourras pas, par exemple, le chrétien dira viens faire la prière sur moi. Tu ne pourras pas le refuser car il est ton frère. Tout comme toi, tu ne pourras pas l'empêcher de venir faire la prière sur toi. Donc il n'y a plus de différenciation. Car parmi les règles des funéraires, les musulmans, ils ont leurs règles. D'accord ? Et nous, le kafir, lorsqu'il meurt, on jette sa dépouille, on l'enterre pour ne pas que son odeur nous dérange. C'est tout. Donc toi, à ce moment-là, tu seras obligé d'honorer et de l'enterrer selon des rites que eux font. Et qui amènent à du shirk, car ils invoquent autre que Allah lors de leur cérémonie funeste. Ou funèbre. Je ne sais plus comment on dit. لا إله إلا الله نعم فسنكفنا اليوم سنواصل بعدين إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين